Voilà, extrait d'un reportage sur la chaîne CNews le 23 mai. Peut-être une réaction à ce traitement de l'actualité, sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais beaucoup de médias ont réagi de la même façon. On a entendu certains médias d'ailleurs parler en clin d'œil à l'expression d'Didier Raoult de fin de partie pour l'hydroxychloroquine. Sylvestre Huette, quel est votre regard rétrospectif? Le regard rétrospectif, c'est que il est absolument nécessaire que, comme dans un poisson dont il ne faut pas que la tête pourrisse, que dans le système de communication entre la production science et la société, donc toutes ses composantes, les décideurs, le grand public, les journalistes qui sont l'intermédiaire, il est absolument nécessaire que la tête, c'est-à-dire les revues scientifiques les plus importantes, se comporte de manière irréprochable. Et là, ça n'a pas été le cas. La direction du Lancet, les gens qui ont fait l'édition de cette étude, n'ont pas vérifié quelque chose de fondamental, qui est-ce que les données brutes sur lesquelles les auteurs s'appuyaient pour donner ces conclusions tonitruantes, pas nécessairement fait, d'ailleurs. Sylvestre, pardon, Sylvestre, excusez-moi, je vais vous interrompre parce que la qualité de la liaison téléphonique est vraiment très très mauvaise, donc on va essayer de vous rappeler parce qu'on vous entend vraiment extrêmement mal. Et on vous rappelle tout de suite et on pourra poursuivre la conversation. Je vais donner la parole à Pierre Corvol. Écoutez, d'abord, sur la journaliste que vous avez rapportée, je crois qu'il y a une petite imprécision, mais qui est importante. L'imprécision, c'est qu'elle parle d'un essai, ou elle parle en tout cas d'une étude qui aurait les qualités d'un essai avec deux groupes choisis, etc. En fait, il s'agit d'une étude rétrospective à partir de données massives. C'est tout à fait différent. On prend des données massives, on les traite, on les mouline et on fait à ce moment-là des groupes qui correspondent à des patients qui ont pris soit l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, avec ou non d'ailleurs de l'azithromycine, et on regarde ce qui se passe en termes d'effets bénéfiques ou d'effets secondaires néfastes. Donc il y a déjà un premier point, c'est dans le rapport même de l'étude du Lancet, il est difficile pour un journaliste peut-être qui n'a pas l'expérience de ce qu'est un essai thérapeutique en double aveugle, randomisé, etc., de faire la distinction avec une étude rétrospective, en plus en utilisant des données massives. Le deuxième point que je voudrais sur lequel je voudrais insister, je suis d'accord avec Sylvestre Huette sur son interprétation et la difficulté effectivement qu'on a à l'heure actuelle avec les grandes revues, qu'elles auraient peut-être ici en l'occurrence dû être plus responsables en regardant l'origine des données. Je pense que quand même il y a un point qui moi me chatouille vraiment, qui m'interpelle en tant que médecin. Travaillant avec mes collègues sur le numérique de la santé, c'est que on a affaire ici à des données qui sont des données issues d'hôpitaux dont on n'a absolument aucune indication sur l'acceptation de l'utilisation de ces données, de l'acceptation des malades dans ces hôpitaux pour l'utilisation de ces données. Et à un moment où on est particulièrement sensible au fait que les données de santé doivent être quelque chose de privilégié en termes de confidentialité, en termes de sécurité, on a là une irruption, je dirais, intolérable, sans vérification, d'une part de la revue, mais de la part des auteurs, et même aussi de la part des relecteurs. Car il y a plusieurs étapes dans l'étude d'une publication qui est soumise. Eh bien, certes, le Lancet lui-même, mais je dirais les auteurs et les relecteurs n'ont pas fait totalement ou complètement leur travail. On va revenir dans le détail sur cette affaire et sur ce qu'elle dit, mais Henri Maisonneuve, si vous voulez, encore une fois, loin de moi l'idée de faire porter l'opprobre à quelques confrères ou à quelques journalistes qui soient, mais enfin y compris pour la presse scientifique, une étude publiée dans The Lancet, ça a un poids de certification beaucoup plus fort que tous les préprints qu'on avait pu voir jusqu'avant. Nous l'avons traité nous aussi, et c'est vrai que la question qui se pose, c'est la question de la responsabilité dans la diffusion de cette information. Puisqu'on va voir que le problème vient des données, de la nature des données qui sont collectées, mais nous, en tant que journalistes ou en tant que vulgarisateurs, nous n'avons pas accès à ces données brutes. Manifestement, les personnes qui ont revu l'étude n'avaient pas non plus accès aux données brutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la faute? Est-ce que c'est une faute collective de toutes les parties prenantes dans cette affaire, selon vous? Oui, c'est plutôt un peu collectif. Juste une toute petite remarque, on a beaucoup discuté cette étude en oubliant de dire que c'était un registre de malades cardiovasculaires au départ. 30% hypertendus, diabète, 3% d'arythmie, donc si vous voulez, tout ce qui était indésirable chez des cardiaques est obligatoirement augmenté, ça. C'est juste un petit préambule. Je voudrais faire remarquer que la même base de données avait donné lieu à la publication un mois avant d'une étude dans le New England Journal of Medicine, dont vous savez qu'elle a été rétractée dans la même heure que l'article du Lancet. Et on en reparlera tout à l'heure parce que nous avons contacté justement le New England Journal of Medicine et ils nous ont répondu par mail. On n'a pas pu avoir d'interview sonore, mais je vous donnerai les réponses qu'ils nous ont transmises à ce propos. D'accord. Donc cette étude n'avait pas donné lieu à gratter. Alors, il faut quand même comprendre que les rédacteurs de revues, de grandes revues, les reviewers partent obligatoirement, ils ne peuvent pas faire autrement, d'un a priori de bonne foi des auteurs. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, et ils en ont posé, j'ai parlé à des gens du Lancet, ils en ont posé, et le peer review a été fait de façon forte et incroyable. Donc ils ne peuvent qu'avoir la bonne foi des auteurs, mais ils n'ont pas, sauf si les auteurs le voulaient, accès aux données sources. Les données sources, ça peut être que Harvard, que l'institution qui va aller chercher dans les données. Si vous voulez, on peut pas dire, si l'auteur ne veut pas les donner, ben, il ne les donnera pas et on ne peut pas les avoir. Donc, on part d'un a priori de bonne foi. Si jamais on devait partir d'un a priori de suspecter toute équipe de recherche, on n'arriverait plus à publier. Hein. Les gens sont quand même la plupart honnêtes. Là, il y a des malhonnêtes, hein, je n'excuse rien. Hein. Mais je parle du processus d'analyse, ne peut pas, et de toute façon, il aurait fallu envoyer quelqu'un pour refaire les équations et analyser, ce qui n'est pas possible. Et ça nous permettra de revenir un peu sur ce que font exactement les reviewers, on va y revenir dans un instant, mais on a retrouvé Sylvestre Huette en espérant que la connexion soit un petit peu plus meilleure que tout à l'heure. Vous disiez, effectivement, il y a tout de même une pyramide, et vous dites, dans cette affaire, c'est effectivement le poisson qui pourrit par la tête. Donc vous mettez en cause vraiment directement la responsabilité éditoriale du Lancet dans la publication de cette étude, Sylvestre ? Ce qui est clair, c'est que dans l'affaire de cette publication, mais aussi d'autres, qu'est-ce qui s'est passé ? Les revues ont été soumises, et l'ensemble du monde scientifique qui s'attaquait à la Covid, ont été soumis à une pression sociale violente. On veut vite savoir s'il y aura un vaccin, on veut vite savoir si telle ou telle mesure de distanciation physique est efficace ou pas. La plupart du temps de bonne foi, la plupart du temps en pensant répondre à cette demande sociale tout à fait justifiée, les scientifiques, tant dans les travaux que dans le processus de publication, ont cherché des solutions pour accélérer le mouvement normal de la publication scientifique. Et le problème, c'est que on s'est retrouvé dans des situations où on a confondu véritablement vitesse et précipitation et où on s'est retrouvé avec des études comme celle du Lancet qui n'ont pas pu l'être maintenues. Quel est le problème ? Le problème, c'est que face à cette urgence sanitaire, la précipitation a provoqué un surcroît de lenteur. Quand on a besoin d'informations fiables, et qu'on n'est pas à un quart d'heure près ou à deux jours près ou à dix jours près pour prendre des décisions en matière de traitement ou en matière de mesures de politique sanitaire, eh bien, il vaut mieux, si je puis dire, perdre trois jours que de croire en gagner trois, puis d'en perdre 15 à cause de cela. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais Sylvestre, vous voyez bien, et vous le savez au premier chef, que dans le contexte de crise sanitaire que l'on a connu, avec le degré de pression sociale et médiatique sur la volonté d'obtenir des résultats, évidemment, il y a eu un emballement dont on ne peut pas accuser uniquement la direction ou la rédaction en chef de ces revues ou les scientifiques. Il y avait quand même des gens qui poussaient derrière en disant « on a besoin de réponses et de réponses immédiates ». Comment résister à ce moment-là, à cette pression-là ? Effectivement, difficile d'y résister, mais c'est leur travail, c'est leur mission. L'une des leçons qu'on peut tirer de cette crise sanitaire, c'est que lorsqu'on met trop de confusion dans la production scientifique, soit par des publications de données trop préliminaires, insuffisamment vérifiées, où on ne peut pas être certain que les données brutes vont pouvoir être vérifiées par une autre équipe. Soit par le manque de coordination dans les recherches elles-mêmes, et bien finalement, en croyant gagner du temps, on en perd. C'est ça la principale leçon à tirer de ces événements. C'est que la rigueur avec laquelle on doit chercher et publier, eh bien, n'est absolument pas une cause de lenteur, mais au contraire, c'est ce qui permet d'avoir le plus tôt possible, et le plus tôt possible, ça peut être effectivement considéré comme tard, mais le plus tôt possible, des informations fiables qui permettent de prendre des bonnes décisions. Sylvestre, je vais vous interrompre une nouvelle fois, pardon. Sylvestre, je vous interromps, je suis désolé, mais vraiment la qualité téléphonique est vraiment assez mauvaise, donc je crains qu'on vous entende très mal. On va voir si on peut pas trouver un deuxième numéro où vous appelez, on va essayer de trouver des solutions dans un instant et on va poursuivre la conversation. On essaie de vous retrouver dès qu'on arrive à avoir une meilleure qualité sonore. À tout de suite. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous parlons donc du Lancet Gate, de cette crise des revues à comité de lecture qui a été provoquée par la publication de cette étude qui remettait en cause l'efficacité de l'hydroxychloroquine et qui s'est avérée être une étude. Alors, comment dire d'ailleurs, comment qualifier cette étude, Henri Maisonneuve? Est-ce qu'on peut peut-être redire un peu quels étaient les problèmes de cette étude? Pourquoi est-ce qu'elle a fini par être rétractée rapidement, cette histoire de surgisphère et de collecte des données très problématiques qui font que bien tout les conclusions scientifiques tirées se sont effondrées. Et il se trouve qu'avec juste raison, des groupes défendant l'hydroxychloroquine et la chloroquine ont gratté cette étude et ont posé des questions logiques. Donc le Lancet les a prises en compte et a voulu les renvoyer aux auteurs. Les auteurs, il faut voir qu'il y a eu des jeux entre eux, je ne sais pas si vous avez vu, ils ne se connaissaient pas tous, il y a un Suisse parmi les quatre. Ils sont que quatre déjà. On peut préciser tout de même que quatre auteurs sur une étude rétrospective de cette ampleur, c'était un premier indice tout de même. 96 000 cas examinés, normalement c'est des études, ces études rétrospectives sont des études qui mettent en jeu beaucoup beaucoup de contributeurs, ne serait-ce que pour la collecte des données, etc. Alors là, il n'y avait que quatre noms, c'était pas quelque chose déjà, en tout cas un signal d'alerte ? Non, je crois qu'on peut pas. Moi, je ne peux pas juger. Vous avez peut-être raison, mais il faut savoir que, comme le disait Pierre, ce sont des données massives, c'est-à-dire des machines qui font ça et du big data. Donc, ce sont des grosses machines qui génèrent tout ça. Et il s'agit de quelques personnes pour faire les interrogations. Donc, le quatre auteurs, moi, m'a pas foncièrement gêné. Ce qui m'a gêné, c'est que on a utilisé une tête de pont Mera de Harvard intègre, très connu, qui naïvement s'est fait prendre par un collègue de sa spécialité, présenté par un autre, il ne se connaissait pas très bien, et lui, son nom, a probablement ouvert des portes. Pierre Corvol, votre sentiment à ce propos? Oui, moi je pense que ce que Hervé Maisonneuve vient de dire est tout à fait juste. On a habituellement, nous, quand on a des données agrégées comme ça, on a quand même l'origine, je dirais, des hôpitaux ou des collaborateurs essentiels qui ont participé à la collecte des données, parce que ce n'est pas rien. Il y a naturellement la possibilité de retrouver aussi les logiciels, les codes qui permettent de retourner sur les données. À l'heure actuelle, il faut quand même voir que on demande, et des grandes revues comme le Lancet, le New England Science or Nature demandent régulièrement, maintenant c'est d'ailleurs une obligation, d'avoir les données sources pour pouvoir, non pas en tant que revue, reprendre les données sources. Ce n'est pas le travail des revues, il ne faut pas accuser le Lancet de cela. Mais en revanche, ça permet à des lecteurs de reprendre tout ou partie des données sources pour pouvoir non seulement les contrôler, certes, mais aussi pouvoir les utiliser, les agréger avec d'autres données. C'est tout le mécanisme à l'heure actuelle qu'on met en route avec la science ouverte. Et ça me semble vraiment très important pour pouvoir progresser en matière de science, parce que la science est quelque chose qui doit pouvoir être vérifié, répété, et la science est un bien dont on peut aussi bénéficier quand on a d'autres données qui peuvent être confrontées à celles qui vont qui sont publiées. Donc là, il y a un grand pas à faire, et en l'occurrence, avec la rapidité avec laquelle tout ceci s'est produit, c'était strictement impossible à faire. Parce que s'il y a quelque chose tout de même qui est peut-être important de préciser, c'est que effectivement, je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance de la part du grand public qui a donc suivi ce feuilleton scientifique qui normalement n'arrive pas jusque à faire les grands titres de l'actualité quand on trouve, je ne sais plus qui utilisait cette image, c'est peut-être Sylvestre Huette, quand on trouve bien une nouvelle molécule sur Mars, que ce soit publié maintenant ou dans 6 mois, le temps qu'on vérifie 3 fois que ça n'est pas une erreur de mesure de l'appareillage, etc. Je veux dire, il n'y a pas de d'urgence à publier, même si de facto, il y en a tout de même un petit peu, mais pas au point que ce que l'on a connu pendant cette crise sanitaire. Or, là, on a découvert que le reviewing, c'est-à-dire la relecture par les pairs, ne cherchait pas et n'était pas véritablement une recherche de fraude, mais simplement un contrôle de la méthode scientifique. C'est peut-être important de le repréciser, ça, tout de même, Henri Maisonneuve. Oui, parce que quand vous lisez l'article, on vous dit que la base, elle est certifiée ISO, on vous donne plein de choses. Hein. Donc, si vous voulez, vous n'allez pas chercher le certificat ISO pour être sûr que la base est certifiée ISO quand vous êtes reviewer. Or, ce que je crains dans cette histoire, c'est qu'on n'ait jamais la fin de l'histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le principal auteur de Surgisphere a dit « je ne veux pas montrer les données ». Point barre. Que peuvent faire le Lancet ou des reviewers? Rien. La seule entité qui peut faire ça, c'est Harvard. Donc, est-ce que l'université va vouloir lancer une investigation qui aille chez de Saïe et qui aille voir si les données ont existé? Ça, moi, j'ai pas de doute, elles ont existé. Mais si les analyses étaient fraudées, tant que j'aurais pas une enquête, j'aurais pas la fin de l'histoire. C'est Richard Horton, hein, le rédacteur en chef de The Lancet, qui dit à propos de tout ce qui s'est passé. Il a donné une interview à Libération le 15 juin dernier, et il dit dans cette interview: l'évaluation par les pairs est un très mauvais détecteur de fraude. Elle ne teste pas la véracité d'une étude. Le seul moyen de tester la véracité de ce qui est écrit dans un article serait de recommencer toutes les expériences. L'évaluation par les pairs consiste à tester l'acceptabilité d'un papier. Cet article apparaissait plausible. Donc ça veut dire que finalement, on est tombé manifestement sur des gens malhonnêtes et personne n'y pouvait rien, Pierre Corvol. Oui, c'est vrai que un relecteur, un référé, comme on dit aussi dans notre jargon, ne peut pas regarder si toutes les figures, les données sources ont été manipulées. Et là, je vous parle en connaissance de cause parce qu'on a travaillé sur ce sujet. Ce serait un travail gigantesque. En fait. Les corrections à titre de fraude grossière peuvent être éventuellement faites par le relecteur qui a un doute, mais la plupart du temps, elles sont pas aussi évidentes que cela et elles sont reprises par la communauté scientifique lorsque le papier est publié et qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas répéter une manipulation ou que dans le chapitre matériel et méthode, qui est extrêmement important, eh bien, il y a des incohérences, des impossibilités de repliquer avec la méthode qui est publiée les données qui sont dans l'article. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est qu'il y a différents niveaux, une responsabilité des auteurs qui doivent être comme le dit Hervé Maisonneuve, des auteurs qui doivent donner le maximum d'indications sur la recherche, une responsabilité de la part des relecteurs, une responsabilité de la part de la revue scientifique qui peut aussi avoir intérêt sur le plan financier à publier au maximum sur le Covid. Il faut bien voir d'ailleurs que la plupart des revues ont augmenté leur pourcentage de publication Covid d'une manière fantastique. Et puis une responsabilité de la communauté scientifique qui peut-être d'ailleurs être faite par ce qu'on appelle les pré-publications, parce que si cet article avait été soumis dans des dépôts permettant avant la publication d'être vu, je pense que toutes les critiques justifiées qui ont été faites après la publication auraient pu être faites avant la publication et n'auraient pas eu, si vous voulez, cette espèce de cataclysme qui est déplorable. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui perd là-dedans? Eh bien, ce sont les patients. parce que eux, ils attendent une réponse claire. Et il se trouve qu'avec cette histoire-là, comme les histoires antérieures, on n'arrête pas d'aller d'un bord à l'autre. Et les gens sont perdus. Qui croire à la fin? Mais oui. C'est ça le fond du problème. Bien sûr. On va revenir sur cette question de la confiance, évidemment, dans la parole scientifique qui est essentielle. On a récupéré Sylvestre Huette. Alors, on espère que la collection est un petit peu meilleure. Sylvestre, la question tout de même et la découverte là-dedans, c'est de dire finalement, si les reviewers, donc si les pairs, si les référis ne servent pas, n'ont pas accès aux données, ne peuvent pas au moins vérifier la nature des données, ou en tout cas, même s'il est évidemment impossible d'imaginer que les reviewers puissent refaire l'expérience, parce que ça serait beaucoup trop lourd et beaucoup trop coûteux. À quoi sert le reviewing par les pairs, concrètement? Alors, j'espère que la connexion est meilleure. C'est un peu meilleur. Je suis dans un coin perdu d'Ardèche. Là, on vous entend bien. Là, ça va. Il faut faire attention à ne pas surestimer le problème de la fraude dans cette affaire. La plupart des publications qui ont lieu sur la Covid, il y en a eu des milliers, ne sont pas entachées de fraude. Mais elles ont été marquées très souvent par la précipitation qui a conduit à publier des résultats très préliminaires, voire remis en cause par la suite par des études plus approfondies. Finalement, c'était ça le problème le plus important. Et les reviewers là-dedans, finalement, dès lors que le travail semble avoir été fait correctement, ils vont dire « Ok, on publie ». Donc le problème n'est pas là. Parce que ça, c'est le fonctionnement quelque part normal de la science, là accéléré à cause de la demande sociale. La question qui se pose, c'est comment est-ce que le système médiatique, comment les responsables politiques prennent cette avalanche de publications dont beaucoup étaient trop préliminaires. Et là, il faut évidemment avoir une habitude de prudence, comprendre que ces publications sont très souvent, pour des raisons de demande sociale, très préliminaires, et ne pas brancher la communication, ne pas brancher le journalisme, les médias, voire les décideurs politiques, sur ce flux. Il faut le soumettre à une analyse plus prudente, à une analyse qui dise « attention, laissons le temps au temps, on a besoin de digérer un peu tout ce qui sort, et ne pas embrayer tout de suite par des grandes publications dans la presse grand public, ou même des décisions. On a vu l'OMS qui a fait des allers-retours sur l'hydroxychloroquine, alors que on aurait pu évidemment se passer de ces allers-retours qui sont très troublants pour les gens. Mais vous dites tout de même les uns les autres, Hervé Maisonneuve, excusez-moi, pourquoi je ne sais pas pourquoi je vous appelle Henri depuis le début de l'émission, c'est Hervé Maisonneuve avec toutes mes excuses, même Sylvestre, Pierre Corvol, vous dites tous que finalement, le Lancet comme le New England Journal of Medicine ont fait leur job, c'est-à-dire que ils ont posé des questions, il y a eu des doutes, il y a eu des commentaires et puis il y a eu rétractation relativement peu de temps, hein, le 2 juin, donc une dizaine de jours après le début de l'affaire. Ça veut dire que le problème de ce Lancet Gate ne réside pas tant finalement dans le comportement de ces revues à comité de lecture, mais plus dans la fébrilité et l'écho que ces études imparfaites ou frauduleuses ont eu compte tenu du contexte sanitaire. Hervé Maisonneuve. Je vous signale qu'aujourd'hui Nature a fait une rétractation, par exemple. Donc il y en a tous les jours. Je remercie Sylvestre de bien dire que toutes ces études doivent être refaites avant de croire tout ça. Et puis, faisons attention quand même avant de dire qu'il y a eu de la fraude. Moi, j'ai pas vu sur site, j'ai pas vu les données. Que le premier auteur n'ait pas voulu donner, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être beaucoup d'autres arguments. Bien sûr. Donc, si vous voulez, il ne faut pas trop accuser. Non, je parle de fraude parce qu'il y a suspicion de fraude sur la nature et sur l'acquisition des données par Surgisphere. Oui. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, c'est assez compliqué. Puis je pense que le débat qu'on peut avoir est plus large que celui-là. Mais il y a tout de même un doute sur la nature des données qui ont été acquises et qui ont servi. C'est d'accord, mais voilà. Tant que je n'aurai pas un audit. Bien sûr, vous avez raison. Je ferai attention. Pierre Corvol, du coup, pour vous, les revues à comité de lecture ont fait leur boulot et sont finalement assez peu coupables, ou en tout cas ont réagi comme ils se devaient. En tout cas, les revues à comité de lecture, pour un bon nombre d'entre elles, elles sont payantes. On doit payer pour lire un article de recherche. Là, au moins, du temps de la crise, les articles étaient en accès libre. Donc, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est vrai que elles se sont adaptées à recevoir un grand nombre d'articles sur le Covid. Et il faut voir que des articles qui ont été clés. C'est ainsi que, par exemple, dans l'article qui décrit la nature des spicules, vous savez, les petites pointes qui vont permettre au coronavirus de s'attacher sur la cellule réceptrice de l'organisme, qui est la cellule pulmonaire, eh bien, cet article qui montre la structure même, qui est absolument essentielle pour comprendre comment ça marche, a été publié dans les 8 jours par la revue Science. Et l'article est tout à fait correct, et c'est très important, parce qu'à partir de là, on peut commencer à comprendre ce qu'on appelle les motifs antigéniques, c'est-à-dire les parties de la molécule qui vont pouvoir éventuellement produire des anticorps. Donc voilà un exemple typique de recherche très fondamentale, publiée et acceptée très vite par la revue Science, et qui montre au passage l'accélération incroyable, mais incroyable, des chercheurs. Et des chercheurs chinois, j'insiste, parce que quand même, ils ont fait un sacré boulot, y compris en recherche fondamentale. Donc vous voyez, mais quand ce n'est pas quelque chose qui attire le grand public, parce que le mot spike ou spicule ou pointe, etc., c'est pas évident. L'attachement à la cellule réceptrice, c'est pas évident. L'intérêt que ça peut représenter, c'est pas immédiat. Eh bien, il n'y a pas eu cet emballement où les gens attendent fébrilement. Et je le comprends. Est-ce que ça marche ou pas? Je comprends aussi très bien que l'OMS ait fait un pas en arrière, parce que elle a joué sur le principe de précaution. Donc, si vous voulez, je fais deux choses, je sépare bien les choses. D'une part, la recherche très fondamentale, qui va faire progresser, et elle seule, la manière de trouver un vaccin, de trouver des médicaments, et d'autre part, les médicaments qui sont utilisés, mais qui n'ont pas été développés pour ce sacré virus. On a pris des molécules de raccro, en fin de compte. Et à ce moment-là, il y a une attente, et l'attente, c'est les publications rapides, exactement ce que décidait Souhait, alors qu'on devrait avoir un peu plus de sang-froid et accepter des jours de plus, mais des jours qui ne vont pas décevoir le public, tromper sa confiance. Sylvestre Huette, votre sentiment là-dessus. Richard Horton, donc le rédacteur en chef de The Lancet, disait tout de même à propos de cet épisode, « Cet épisode représente un échec pour la science, c'est une leçon qui se présente à chaque retrait d'article. » C'est vrai, mais moi je dirais qu'il faut aussi réfléchir aux causes structurelles de ce trop-plein de publications. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas mettre le paquet, et je suis d'accord avec Pierre Corvol. En réalité, on a assisté à une mobilisation absolument extraordinaire de la communauté scientifique concernée et à des résultats extraordinairement rapides par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer il y a 10 ou 15 ans. En revanche, on voit très bien que la structuration de ce travail, notamment dans des pays en Europe occidentale, notamment chez nous, aux États-Unis, par des systèmes beaucoup trop de compétition entre les équipes, aboutit à la cacophonie. Les 3 académies des sciences, de médecine et de pharmacie l'ont rappelé dans un communiqué commun très intéressant et très important. Il aurait fallu beaucoup plus de coordination et de coopération entre les équipes, entre les institutions scientifiques au plan international, et beaucoup moins de compétition et d'appel d'offres. Si on avait eu une structuration de l'effort de recherche beaucoup plus organisé, beaucoup plus concerté, beaucoup plus fondé sur une coopération entre spécialistes qu'on met ensemble et on leur dit mettez-vous d'accord sur comment conduire les recherches de manière à avoir moins d'études mais plus pertinentes avec des cohortes de patients plus nombreuses, avec plus de précautions dans l'analyse, eh bien on aurait eu probablement un peu moins d'articles, mais des publications beaucoup plus fiables et des résultats en termes de fiabilité des informations à transmettre à la société et aux décideurs nettement meilleure. Mais Sylvestre Huet, je veux pas paraître comme un horrible cynique ou je ne sais quoi, mais enfin, vous connaissez mieux que moi la nature et la structure du monde de la recherche, qu'il soit académique ou privé, et vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, qu'on appelle évidemment de ses voeux à plus de coopération, et notamment en période de crise sanitaire, très bien, mais vous savez bien que ça paraît assez, en tout cas, ou alors c'est moi qui suis vraiment beaucoup trop pessimiste, difficile à appliquer ou à mettre en œuvre, compte tenu du contexte naturel qui est poussé et tenu par la concurrence qu'il peut y avoir, que ce soit d'ailleurs dans le domaine du privé ou entre le privé et le domaine académique. Alors que dans le privé, il y a de la concurrence, ça je le comprends tout à fait, et c'est entre guillemets naturel au sens où c'est une économie de compétition. En revanche, en ce qui concerne la recherche publique, c'est un pur résultat de décisions politiques sur son organisation et son mode de financement. C'était possible de prendre des décisions de nature politique pour faire avoir des formes d'organisation de la recherche qui soient plus fondées sur la coopération et l'échange que sur la compétition entre les équipes. Ça ressort totalement de la décision politique. Hervé Maisonneuve, vous vouliez réagir à ces propos ? Deux petites choses. Oui, les Anglais ont réussi à faire un grand essai sur 175 hôpitaux, donc quand même, ils nous amènent des leçons. Et puis l'autre réaction que je voulais, c'est que cette rétractation du Lancet, pour moi, c'est reconnaître ses erreurs, c'est vertueux. Et beaucoup de gens ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 15 rétractations sur la Covid pour plus de 40 000 articles publiés et 16 000 préprints. Donc j'imagine qu'on devrait en avoir 100 ou 500 de rétractations. On va continuer à discuter de ce Lancet Gate et on va essayer de réfléchir dans cette deuxième partie d'émission aux méthodes que l'on pourrait imaginer pour, d'une part, que ça ne se reproduise pas et puis, d'autre part, peut-être fluidifier ou changer, modifier un peu le dialogue qu'il peut y avoir entre les chercheurs d'une part, les grandes revues d'autre part et puis, de l'autre côté, le grand public et les journalistes scientifiques. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h42, nous poursuivons notre conversation autour du Lancet Gate, une crise de confiance envers les revues à comité de lecture. Nous en parlons avec Pierre Corvol, qui est médecin, chercheur en biologie, professeur émérite au Collège de France et président de l'Académie des sciences, avec Hervé Maisonneuve, médecin en santé publique, référent intégrité à la faculté de médecine Paris 7, et avec Sylvestre Huet, qui est journaliste scientifique et auteur du blog Science au Carré. Alors, je vous le disais tout à l'heure, Surgisphère, ces données, en tout cas fausses, ou en tout cas gonflées, bref, en attendant, comme le disait Hervé Maisonneuve tout à l'heure, qu'il y ait effectivement une preuve de fraude qui n'a pas été apportée encore pour le moment, mais en tout cas, ces données problématiques, elles ont été publiées dans une étude du Lancet, mais aussi dans une étude du New England Journal of Medicine. Nous avons écrit aux deux et nous avons obtenu une réponse, alors très succincte, en quelques lignes, du New England Journal of Medicine, qui a, je pense, répondu à peu près la même chose à tout le monde avec un mail type. Néanmoins, c'est intéressant, puisque à la question justement de que faire quand on a identifié les problèmes qui sont liés à ces processus de reviewing et du coup notamment à la non-disponibilité des données sources. Voici la réponse que j'ai en anglais, je vais essayer de vous la traduire sans que ça fasse trop traduction franglais. Cette expérience nous donne l'opportunité de penser à propos de ces nouvelles informations que nous avons besoin d'établir pour gagner la confiance envers des larges sets, en fait des larges données, en fait des larges quantité de données, et de travailler ensemble avec la communauté de la recherche pour essayer de mettre en place de nouveaux standards qui permettent d'avoir ou de gagner de la confiance dans ces résultats. Donc vous voyez, on peut appeler ça une forme, disons que c'est pas plein d'informations, c'est un peu rigide comme communication. Néanmoins, on voit bien qu'en tout cas, il y a un dialogue à renouer entre ces revues à comité de lecture, la communauté scientifique et le rapport qu'il peut y avoir, notamment sur ces études de big data avec des grands sets, donc des grandes quantités de données à analyser et pour connaître non seulement la source, mais la fiabilité de ces données, Sylvestre Huet. C'est clair que le grand public, les citoyens, ont du mal à comprendre comment c'est possible que dans un domaine de santé publique, le sanitaire, il y ait une sorte de voile sur les données collectés à des fins de recherche. C'est un peu comme lorsqu'on s'étonne du fait que les industriels ont encore le droit de cacher les compositions exactes de produits qui sont mis sur le marché et utilisés à grande échelle pour l'agriculture, par exemple, sous prétexte de secret industriel. À partir du moment où ce qui est en jeu, c'est la santé des populations, elles devraient, ces populations, pouvoir exiger de leur gouvernement qu'aucun secret ne puisse être opposé à la demande d'information de scientifiques lorsque la question posée, c'est est-ce que c'est dangereux ou pas, ou est-ce que tel médicament était efficace ou pas devant telle maladie. Pierre Corvol, votre sentiment à ce propos, la réponse du New England, mais aussi cette question centrale, hein, on en parlait, et d'ailleurs j'en profite pour la remercier, Saraya Mayouche, qui vient de tweeter à ce propos, sur la notion de ce partage des données, de la confidentialité de ces données, est-ce qu'on peut continuer à faire comme si bien ces données étaient protégées de tout et de tout regard, et donc qu'il était totalement impossible de connaître la nature exacte de ces données et de pouvoir vérifier leur pertinence. Oui, c'est un sujet technique un peu difficile parce que les données individuelles des patients en question sont très certainement anonymisées. Elles sont ce qu'on appelle agrégées, c'est-à-dire que vous pouvez dans un hôpital avoir un système d'information qui fait que vous avez des groupes de patients qui sont homogènes en termes de traitement, par exemple par l'hydroxychloroquine, et qui vont pouvoir être analysés sans qu'on revienne à l'individu lui-même. Vous voyez, à ce moment-là, un hôpital, puis un deuxième hôpital, et à ce moment-là, on agrège l'ensemble de ces données qui restent toutes anonymisées. Ça, c'est vraiment un point très important. Et, il y avait normalement un G7 Science qui devait se tenir à Washington au mois de mars. Évidemment, il n'a pas eu lieu, et nous avons néanmoins travaillé avec nos collègues américains et avec les 6 autres pays du G7, mais aussi avec l'Académie des sciences chinoises, coréennes, etc. C'est un travail très intéressant sur, ça s'appelait Digital Health, c'est-à-dire donc la santé numérique. Et on a abordé typiquement ces questions-là. Donc je crois qu'il va falloir revenir aux fondamentaux pour pouvoir, à la lumière d'une expérience comme celle-ci, en tirer des enseignements. Moi, je préfère le mot enseignement que leçon, qui est un petit peu oui, vous avez raison. Voilà. Il y a des enseignements à tirer qui, à la lecture du communiqué que nous avons produit, que j'ai envoyé ensuite quand il a été adoubé par l'ensemble de toutes ces académies au président de la République et au ministre de la Recherche, qui soulignait, si vous voulez, avant, en fin de compte, cette histoire-là, la complexité, mais la nécessité aussi de travailler sur ces données. Et entre autres, nous n'étions pas d'accord avec les Américains sur un partage très libre et très ouvert des données. Donc, vous voyez, il y avait des nuances fortes entre nous sur, je dirais, l'utilisation de ces données qui doivent être extrêmement prudentes. Donc, c'est un sujet qu'on va reprendre obligatoirement avec l'histoire du Lancet Gate. C'est un sujet auquel il faudrait consacrer d'ailleurs une heure d'émission, hein, sur la question de cette confidentialité du partage des données. Votre point de vue, Hervé Maisonneuve, sur ce sujet effectivement très complexe, mais vraiment absolument essentiel, surtout encore une fois à l'heure du big data qui aujourd'hui bien a essaimé dans à peu près tous les domaines scientifiques. Je suis pas assez compétent sur le fond pour avoir un vrai point de vue. Je m'interroge par exemple sur quelque chose. Ce qu'ils ont fait avec nos bases de l'assurance maladie, ne pourrait-on pas aller creuser et voir 2-3 choses? C'est complexe, mais c'est un petit peu la même façon de voir, puisque pour le médiateur, c'est quand même l'assurance maladie qui a montré un certain nombre de choses. Je me permettrai aussi un tout petit autre commentaire dans le même sens. L'article du New England, publié un mois avant, sur la même base de données, 160 hôpitaux, pas les mêmes, n'a donné lieu à aucun commentaire. Ben oui, donc, mais vous voyez, s'il n'y avait pas eu ce lancé, bien sûr, l'article du New England aujourd'hui serait dans la science et ne poserait de problème à personne. Jusqu'à ce que surgisse faire où ces données soient interrogées dans une autre étude. Dans un endroit, parce que c'était surgisse faire aussi, hein, le New England. Hein, s'il n'y avait pas eu le lancet, le New England serait. Alors c'était sur de l'hypertension, des médicaments anti-hypertenseurs, peu importe. Hein. mais il serait dans la... C'est pour ça qu'on ne va pas assez au fond des choses pour beaucoup d'articles. Et bien sûr, les revues aimeraient y aller. Mais je m'excuse, les institutions aussi doivent veiller à l'intégrité des données. Mais de quelle façon les institutions peuvent veiller, par exemple, dans le cas typique de l'étude de The Lancet? Parce que si l'étude du New England est restée telle quelle et n'a suscité aucun commentaire, c'est parce que elle traitait d'un sujet beaucoup moins sensible que celui de l'hydroxychloroquine, dont on sait que évidemment il a fait beaucoup de remous dans la sphère médiatique pour les raisons que l'on sait, qu'on a déjà traitées à plusieurs reprises dans cette émission. Il n'y a que Harvard qui peut décider de faire une commission d'enquête indépendante, d'aller à Chicago chez Surgisphere, d'envoyer 3 statisticiens et de dire est-ce qu'on peut ouvrir la base, voir les codes et tout. Et s'ils ne veulent plus, ce sera pire. Mais ils sont obligés de laisser des gens rentrer dans leur labo. Mais ce n'est pas un reviewer ou un rédacteur en chef qui peut faire ça. Un mot justement à propos des reviewers, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il doit y avoir du peer reviewing ouvert? Est-ce qu'il faut en finir avec cette culture du secret, de l'anonymat, Sylvestre Huette, qui a été souvent critiqué aussi? Je crois qu'il faut relier ce problème à celui plus général de l'inflation des publications. Inflation des publications qui est pas homothétique à l'augmentation du nombre des chercheurs dans le monde et qui est clairement provoquée par les décisions politiques de management de la recherche publique par le chiffre, par l'évaluation bibliométrique des chercheurs et des institutions et qui est un pouce au crime total. Je dirais que ce dont nous avons besoin, c'est d'arrêter de faire semblant. Par exemple, on sait très bien que dans les communautés scientifiques pas très étendues, l'anonymat des peer reviews est totalement bidon. On sait très bien qui a revoyé qui. Du coup, on se dit que peut-être ça serait mieux de lever cette hypocrisie et d'avoir la franchise de dire c'est tel ou tel chercheur qui ont reviewé les articles. C'est probablement une voie d'évolution du système scientifique beaucoup plus saine que celle qui consiste à mettre tout le monde en concurrence avec tout le monde sur des bases bibliométriques dont la carrière de M. Raoult, par exemple, montre un cas totalement extrême avec création de revues totalement contrôlées par lui et son équipe et de la sorte des centaines de publications, je dis bien des centaines, plus de 200 publications de Didier Raoult dans une revue dont il a tout le temps contrôlé le board éditorial en foulant aux pieds les principes les plus élémentaires de l'édition scientifique. Mais avec un facteur d'impact quasi nul, c'est-à-dire que tout le monde est au courant de ces petits arrangements, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est pas, il faut du temps en général pour que les aspects négatifs de ce genre de pratiques malsaines se fassent jour. Et pendant ce temps-là, les médailles tombent. Un mot rapidement peut-être Pierre Corvol sur cette question de l'ouverture du peer reviewing, mais rapidement parce que j'aimerais vous demander pour finir dans les dernières minutes un peu des conseils pour changer justement ce monde des revues à comité de lecture et pour éviter un prochain Lancet Gate. Oui, je suis d'accord avec Sylvain Souette, le peer reviewing doit être réellement complètement modifié. Vous parlez à un vieux référé, si je puis dire, un vieux relecteur. Ça devenait intolérable, vu le nombre de papiers, du fait du nombre de revues. Dans le simple domaine qui est le mien, en l'espace de 40 ans, je suis un ancien, en l'espace de 40 ans, il y a une multiplication par 8 ou 10 du nombre de revues sur le même domaine. Donc ce n'est plus possible, voilà. Il faut faire autrement, et en plus, je pense que le fait de pouvoir faire un peer reviewing ouvert, que ce soit en fin de compte, que ce soit la meilleure manière de procéder, et ça c'est pour moi aussi absolument essentiel. On éviterait les dérapages que l'on voit à l'heure actuelle. Alors justement, au rang des solutions, peer reviewing ouvert, c'est l'une des possibilités, des options. Hervé Maisonneuve, quelle serait votre idée, votre sentiment pour changer ce monde de la publication qui a conduit au Lancet Gate, et puis pour changer un peu le rapport de la recherche avec ces revues à comité de lecture et à très fort facteur d'impact? Moi, je suis très en faveur du peer review ouvert pratiqué par le groupe PLOS. Et vous avez plusieurs études sur l'hydroxychloroquine dans le British Medical Journal. Vous avez tous les noms des reviewers, toutes les versions du manuscrit et tous les courriers. Vous pouvez aller les voir immédiatement. Alors, ça apporte encore plus d'informations. Il y a aussi... alors, il faut savoir que les enquêtes de chercheurs montrent qu'ils préfèrent le peer review aveugle. Il y en a beaucoup de faites par Nature. Hein. Donc, les chercheurs ne sont pas prêts à aller obligatoirement à tout ouvert. Hein. Et donc, ça, c'est une limite. Par contre, il faudrait aussi peut-être ne pas éluder le peer review après publication. Je sous-entends réseaux sociaux ou un très connu qui s'appelle PubPeer, qui manifestement arrive trop tard, et c'est dommage, mais eux ont permis de modifier certaines choses. Sylvestre Huette, quels seraient vos conseils pour modifier? Vous en avez donné déjà quelques-uns. Alors, finir avec les appels d'offres qui poussent à la concurrence, plus de coopération, évidemment prendre plus de temps et ne pas aller en marche forcée. Mais est-ce que vous êtes confiant peut-être dans la capacité, justement, grâce bien à la science open source et certaines initiatives qui viennent d'être évoquées, bien à ce milieu de se transformer petit à petit? Et avec quelles intentions? D'une manière générale, c'est une question politique. Cette maîtrise par la communauté scientifique de la recherche publique, qui est en général payée par les impôts, par les contribuables, de son processus de publication et de discussion scientifique. L'histoire a fait que la situation s'est dégradée d'une part en raison du management par le chiffre que des gouvernements ont voulu imposer à leur recherche publique et d'autre part par l'explosion des revues prédatrices qui s'est insérée dans ce mouvement de gestion par le chiffre et qui a multiplié par 10 l'ampleur du problème. Comment faire en sorte qu'on publie moins et mieux? C'est très clair que la première chose à faire, c'est de calmer la pression des gouvernements sur le fonctionnement de la recherche publique et d'avoir des évaluations des programmes de recherche des institutions, des laboratoires et des chercheurs qui vise le temps long, qui vise la qualité, et de faire en sorte que quand on recrute, quand on promeut des chercheurs, aussi bien pour l'université que pour les organismes de recherche, eh bien on privilégie la qualité, l'originalité, la capacité à coopérer, et non pas, comme on le fait en ce moment, par exemple, est-ce qu'il a... un projet de recherche bien à la mode qui va faire qu'il va décrocher une bourse de l'ERC, l'European Research Council, qui permettra de financer un peu mieux le laboratoire dans lequel il va être. Voilà, il faut reprendre en main la production scientifique avec des objectifs de service public et basculer, en finir avec tous ces processus qui ont conduit à la situation qu'on connaît et qu'en réalité tous les insiders du système connaissent très bien. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci Pierre Corvol, merci Henri Maisonneuve, merci Sylvestre Huette d'avoir été avec nous pour discuter de cette crise des revues. Un remerciement spécial, donc, je le disais, à Seraya Maouche, de l'association Éthique et Intégrité, qui a été d'une grande aide pour cette émission tout au long de la crise sanitaire, pour les questions qui touchent à cette affaire en particulier et à l'intégrité scientifique. Donc un grand merci à elle. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Inès De Bruyne aujourd'hui à la technique. Demain, vendredi de rediffusion avant la fin de la saison, mais ce sera le dernier. Demain, nous vous proposons une réécoute de l'émission consacrée à l'immense autrice de SF, Ursula Le Guin, autrice notamment de La main gauche de la nuit, des dépossédés. Vendredi prochain, pour la dernière, tous vos intervenants préférés de la méthode scientifique derrière leur téléphone, leur Skype ou leur télégraphe, qui sait, pour vous conseiller un programme de lecture, de visionnage imbattable pour vos vacances d'été. On vous met de la SF plein la valise la semaine prochaine, mais en attendant, on se retrouve demain exceptionnellement à 8h55 pour une nouvelle radiographie du coronavirus et demain donc à 16h pour Ursula Le Guin, jusqu'à preuve du contraire.